Toc, toc, toc. Va, Rodrigue. Je ne t'ai point. Baba. Va, Rodrigue. Je ne t'ai point. Baba. Il comprend pas. Écoute, ça veut dire. Je ne t'ai point. Ça veut dire je t'aime. Mais je peux pas vraiment te le dire. Baba. Je peux pas vraiment te dire, c'est une litote, va, je ne t'ai point. Parce qu'en fait, t'as quand même tué mon père. Alors, je peux pas te dire, je t'aime. Donc, j'essaie de te le dire, mais en message codé. Donc, je dis quelque chose qui se rapproche, mais souvent négative, sous une forme atténuée, une litote, quoi. Bah, bah. Ah! Bon. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la magie du théâtre pour vous parler, eh bien, de roleplay théâtral. Le roleplay théâtral, ça mange quoi en hiver? Le roleplay théâtral, en fait, c'est tout simplement une façon de jouer au jeu de rôle classique, hein, mais en accentuant, eh bien, sur le roleplay. Voilà, un petit peu comme si on était au théâtre. Grosso modo, tu vas jouer ton personnage, eh bien, comme si tu étais un acteur, une actrice ou une actrice. Ok, mais bah, déjà pour commencer, il faut quand même souligner que le jeu de rôle, eh bien, ça n'est pas vraiment du théâtre. Il y a quand même de grosses différences. D'ailleurs, il y aura une vidéo là-dessus. Mais grosso modo, on ne suit pas de dialogue scripté en jeu de rôle. Il n'y a pas non plus un metteur ou une metteuse en scène qui va te donner des directives de jeu. C'est-à-dire que ton personnage est ta propriété, généralement MJ. Quand MJ empiète trop sur ton personnage, j'aurai aussi une vidéo là-dessus d'ailleurs, eh bien c'est un peu vu comme une faute de goût, quoi. Et puis, voilà, on n'est pas non plus, on est rarement costumé en fait, hein. Ça se fait un petit peu dans les actual plays, mais bon, les actual plays, voilà, on en parlera plus tard. Donc, bah, comment on peut faire si on a envie de faire du roleplay théâtral? Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai un sponsor qui est tout à fait approprié pour la situation. Il s'agit de l'application RPTune. RPTune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. Si tu roleplays comme une patate, eh bien, il suffit de passer ta voix dans RPTune qui va te transformer en roleplayer, roleplayeuse de choc. Exemple. Bon, bah, je tape. Clic. Je fais de grands moulinets avec mon épée en invoquant les noms de mon dieu Chrome, prince des éclairs et de la tempête. Et alors, dans mes yeux brûle une colère séculaire au moment où je frappe. Voilà, ça c'est un petit exemple. Autre exemple. Bon, je fais un jet de séduction. Oh, doux jouvenceau, comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Voilà, t'as compris un peu l'idée. Voilà, RPTune, c'est vraiment génial comme application. Et ben, comme toujours, t'as une petite réduction si tu tapes Outsider 666. Ok, alors maintenant on va te donner d'autres techniques. Voilà, si RPTune ne te suffit pas, déjà on va dire la première base du roleplay théâtral. Eh bien, ça va être d'employer tout simplement le discours direct, de parler de son personnage à la première personne. Ça, c'est vraiment, je pense, l'incontournable si tu veux prétendre faire du roleplay théâtral. Il faut vraiment incarner le personnage et bon, ça passe par la première personne. Le reste du temps, c'est bien sûr OK de jouer à la troisième personne, moi-même je le fais souvent, mais ça ne rentre pas dans ce qu'on va appeler le roleplay théâtral, tout simplement. Tu peux utiliser des accents, mais alors d'une, il ne faut pas que ça tourne à la Michel Leb, hein, enfin tu connais toi-même, tu sais. Et de deux, en général, c'est quand même utiliser les accents est plus conseillé pour le MJ afin qu'on différencie ses PNJ. Comme il a beaucoup de personnages à incarner, les accents, les tons, voilà, peuvent. Par contre, ce qui est conseillé pour toi, je dirais, c'est. Surtout, bah, module ta voix en fonction de tes émotions, en fonction des intentions du personnage. Trouve quelques tics de langage. Après, c'est toujours quelque chose à faire dans la nuance, quoi. Il y a limite très mince entre bien jouer et puis être casse-pied, quoi. Si tu joues en présentiel, eh bien sûr, tu vas penser aux expressions faciales et aussi travailler à ta gestuelle. Pourquoi pas même de temps en temps te lever de table et puis vraiment voilà, incarner l'action, quoi. Toujours sans en faire des caisses. Voilà, ça, c'est la nuance, mais ça, c'est un travail de jeu d'acteur, quoi. Pense à décrire aussi ton personnage en utilisant les cinq sens. C'est intéressant de savoir que ton personnage sent le vieux chou, par exemple. C'est une information, je pense, qui va plaire. Et pense à le décrire souvent, tout au long de la campagne, et pas seulement au tout début. L'idée, c'est que ton personnage, on le garde en mémoire et aussi qu'on voit ses évolutions. Il y aura bien sûr une vidéo sur comment rendre ton personnage. Oui, il y aura une vidéo sur absolument tous les sujets, de toute façon. Ne te pose pas de questions. Le roleplay théâtral se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle aussi le jeu de rôle immersionniste. Donc, bah, je te renvoie à la vidéo qui est déjà sortie sur l'immersion en jeu de rôle. Je pense que pour avoir de la matière, pour avoir un roleplay théâtral convaincant, eh bien, c'est important d'avoir un personnage étoffé, cohérent, intéressant. Eh bien, pour cela, tu peux demander un prêt-à-tirer scripté à MJ, ou tu peux toi-même écrire un background qui soit un tant soit peu profond. Alors ça, bien sûr, il y aura aussi une vidéo pour faire des super backgrounds. Tu peux également étoffer le background de ton personnage au fur et à mesure. Ça a l'avantage de un petit peu plus facilement s'insérer dans la narration, dans le scénario. Et pour faire ça, par exemple, moi j'ai créé une aide de jeu qui s'appelle L'Ensorcellement. C'est un jeu de cartes thématiques que tu peux piocher tout au long de la partie de la campagne pour augmenter la personnalité, l'historique et les dimensions de ton personnage. Tu peux aussi demander à ce qu'on fasse plus de jeux ou de scénarios qui sont orientés drama ou qui sont centrés sur le personnage. Que ça va te donner des billes et ça va mettre en valeur ton jeu de personnage. Parce que si on fait genre du jeu de rôle tactique, à la limite faire du roleplay théâtral, ça peut même être vécu carrément comme une nuisance par d'autres. Donc autant aller vers des jeux peut-être qui sont bah, là, qui donnent la part belle au jeu théâtral. Ah, tu te fais un bon Ségur 1244, ah là tu peux y aller dans le pathos, dans le jeu d'acteur, dans la larmichette, et c'est génial pour ça, quoi. Je pense qu'on a parlé de nuances tout à l'heure, il faut aussi que tu analyses tes pentes naturelles de jeu. Par exemple, le génie explique qu'elle, sa pente naturelle de jeu, c'est ce qu'elle appelle jouer le ravin. Jouer le ravin, en fait, ça veut dire c'est du play Toulouse aggravé, quoi. C'est ton personnage va toujours chuter, se dégrader, se déliter au fur et à mesure de la campagne. Alors, c'est à toi de voir si une fois que tu as trouvé c'est quoi ta pente naturelle, c'est à toi de voir si bah, cette pente naturelle, c'est OK, ça t'intéresse de la jouer, ça fait partie de ton style, ou si au contraire, tu voudrais varier ta palette. Et donc, dans ces cas-là, il faut que tu travailles genre, avoir une pente naturelle, entre guillemets, différente pour chaque campagne, par exemple. Tu dois aussi penser à jouer pour soulever, jouer au service. C'est-à-dire que tu ne. Comment? Le but, c'est pas unique. Le roleplay théâtral ne sert pas uniquement à mettre en valeur ton personnage, mais à travers le jeu de ton personnage, tu dois aussi mettre en valeur le jeu des autres. Par exemple. Un autre personnage te défie en duel, eh ben, il faut que tu réalises que tu joues l'impact. Comment ça, venant de toi? Ah, ça me brise le cœur, mais nous nous retrouverons demain sur le pré. Choisissez votre arme, je suis outragé. Enfin, ou comment le personnage du barbare t'engueule, ben, il faut jouer que t'as peur, quoi. Donc, mais de toute façon, ça fait amplement partie du job, quoi. Un bon roleplay théâtral, donc, tout simplement bah, prendre en compte l'environnement, quoi. Et tu dois aussi penser à la sécurité émotionnelle, parce que le fait de dire ouais, je joue mon personnage à fond et sans compromission ne peut pas être un prétexte pour, eh ben, comment s'essuyer les pieds sur le petit cœur des autres joueuses, quoi. Donc, si tu constates que ton rôle, en fait, est une entrave au plaisir d'autres joueuses, bah, on en discute en débrief. Là, je parle dans le cadre d'une campagne. Et dans l'interscénario, tu peux appliquer ce que Gerhardt appelle la méthode Fire and Forget. C'est-à-dire, eh bien, tu vois comment tu peux changer ton personnage pour qu'il ait un comportement plus compatible avec la table. Et puis, tu essaies de trouver une raison fictionnelle qui explique le changement du personnage, que ça ne vient pas de nulle part. Et une fois que tu as digéré ça, eh bien, quand tu reviens à la table pour la partie suivante, tu peux jouer ce personnage changé, tu peux jouer pleinement sans te poser de questions. Et voilà, c'est fait. Comme ça, tu n'as pas besoin d'y réfléchir pendant la partie, mais entre deux parties, tu fais évoluer ton personnage. Alors, Lino Major Zero a fait une vidéo que je te conseille, où elle fait remarquer que certaines personnes trouvent que le roleplay théâtral, c'est une façon de jouer qui serait élitiste. Peut-être, je sais pas, un télo, trop arty. Peut-être qu'il y a des tables de roleplay théâtral qui vont exclure les personnes, tu vois, qui n'ont pas entre guillemets ce talent. Eh bien, la conclusion d'Inno Major Zero, elle est intéressante, c'est que bah en fait, le roleplay théâtral, c'est ok si tout le monde à la table est d'accord, quoi. C'est comme toutes les autres chapelles rôlistes. Donc c'est pas spécialement élitiste, c'est juste une façon de jouer un peu spécialisée. Et puis tu peux aussi faire du roleplay théâtral juste pour toi et sans imposer en fait aux autres joueuses à la table de faire de même, quoi. Et donc pour moi, ce sont les deux façons de faire que ça n'est pas un loisir élitiste. De toute façon, pour moi, vous êtes tous et toutes des élites à votre façon. Je vous laisse comme ça. Je vous rappelle qu'on essaye de financer ces vidéos via Patreon. Et puis, je vous invite à poster des commentaires. C'est vraiment ça qui fait vivre la chaîne. Je pense que c'est vraiment intéressant de discuter ensemble des sujets. Moi, ça m'amuse beaucoup. Je réponds à tout. Et je vous laisse, je vous fais des gros bisous.